إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Frères et sœurs croyants, serviteurs et servants d'Allah, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah Ta'ala et craignez-le. Et la taqwa d'Allah, c'est le fait de mettre entre soi et la colère et le châtiment d'Allah un bouclier, un rempart. Et ce bouclier, ce rempart, c'est d'accomplir ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Donc faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah Ta'ala et craignez-le. Car certes, celui qui fait preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah, alors Allah le protège et l'oriente vers les meilleures choses pour sa religion et pour sa vie mondaine. Serviteurs et servants d'Allah, nous continuons et terminons aujourd'hui le sujet que nous avons entamé la semaine dernière, à savoir les mises en situation que le croyant doit avoir à l'esprit et garder à l'esprit afin d'éviter de tomber dans les péchés. Al-mashhad as-sabi' ayyuhal mu'minun, mashhad al-iwad, indama يتذكر عبد الله المؤمن بتركه للذنب وبعده عن الخطية طاعة لله وطلبا لرضاه كم سيعوض على هذا الترك من خيرات ومن خيرات عظيمة وبركات عميمة في الدنيا وأخراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. La septième mise en situation croyant et croyante, c'est de penser à la compensation. C'est-à-dire que le serviteur croyant se rappelle combien d'immenses biens et d'énormes bénédictions il recevra dans sa vie mondaine et dans sa vie future en compensation du péché qu'il aura délaissé et de l'erreur dont il se sera écarté. Et cela par obéissance à Allah et par recherche de son agrément. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par ce qui en est meilleur. Et la compensation qu'obtiendrait le serviteur dans sa vie mondaine et dans sa vie future est bien meilleure que le délice dont il profiterait dans une désobéissance immorale et dans un abominable péché qui attire sur lui des conséquences et des effets ici-bas et dans l'au-delà qu'il ne pourrait pas supporter. Donc quand tu te retrouves face à un péché, face à une situation dans laquelle tu t'apprêtes à commettre un péché, pour tirer profit d'un délice de ce bas monde, alors pense au fait que si tu le délaisses, Allah te remplacera cette chose-là par une chose meilleure, par ce qui en est meilleur, par un plus grand délice. Ne tombe pas dans ce péché, mais pense plutôt à ce que tu obtiendras en délaissant ce péché et en le délaissant pour Allah, comme on a dit. Car celui qui le délaisse car il n'a pas pu le commettre n'est pas concerné par cette promesse, la promesse de la compensation. Quelqu'un qui voudrait voler, puis qui finalement ne le fait pas car il y a un surveillant, il y a un vigile, ou il y a des passants qui passent et qui font que il a délaissé donc ce vol. Celui-là n'est pas concerné par cela. C'est la personne qui délaisse ce péché, cette erreur, pour Allah, dans la recherche de la satisfaction d'Allah. Donc ne tombe pas dans un péché, que ce soit pour obtenir un gain financier, de l'argent, un salaire ou un bénéfice. Ne va pas commettre ce péché, car en délaissant ce péché, Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur. Notamment ceux qui, dans leur travail, vont commettre des péchés pour gagner un salaire. N'oubliez pas que Ar-Razzaq c'est Allah, que celui qui te donne ta subsistance ainsi que celle de ta famille c'est Allah et personne d'autre. Et que si tu délaisses ce travail dans lequel tu commets des péchés et que tu commets des choses haram, alors Allah te remplacera cela par une chose meilleure. Et aussi bien cela peut être ici-bas et dans l'au-delà que seulement dans l'au-delà. Il se peut qu'en délaissant cela, tu te retrouves dans une gêne parce qu'Allah veut t'éprouver, voir si tu vas être sincère dans ton délaissement ou bien si tu vas finalement renoncer à délaisser ce péché et y retourner pour obtenir de l'argent et sortir de cette gêne passagère par laquelle Allah t'éprouve. En tout cas, pensez au moment de commettre ce péché que ce que vous obtiendrez en le délaissant sera encore plus grand. المشهد الثامن أيها المؤمنون مشهد المعية معية الله تبارك وتعالى الخاصة لعباده المؤمنين عباده التائبين عباده المتطهرين عباده المتقين عباده المحسنين وهي معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية والعناية فما أعظم خسران من غش الذنوب وارتكب الخطايا ففوت على نفسه هذه المعية العظيمة والله تبارك وتعالى يقول واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والآية في هذا المعنى أيها المؤمنون كثيرا La huitième mise en situation croyante, la maïa qui est le fait qu'Allah soit avec la personne, la maïa d'Allah spécifique à ses serviteurs croyants, ses serviteurs qui se repentent, ses serviteurs qui se purifient, ses serviteurs qui font preuve de taqwa vis-à-vis de lui, ses serviteurs bienfaisants. Et c'est une maïa qui implique qu'Allah les secourt, les soutienne, les protège, les préserve, en prenne soin et s'en occupe. Et quelle grande perte que celle que connaît celui qui est plongé dans les péchés, qui commet des fautes et qui par conséquent passe à côté de cette importante et magnifique ma'iyya, de cette importante et magnifique compagnie, la compagnie d'Allah. Allah Ta'ala a dit dans le sens, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et Allah Jalla wa'ala a dit dans le sens, et quant à ceux qui luttent dans pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants, et les versets dans ce sens, croyants et croyantes, sont nombreux. Allah est avec qui ? Avec les endurants, avec les bienfaisants, pas avec les malfaisants, pas avec ceux qui pêchent. Quand tu vas commettre ce péché, tu vas t'éloigner d'Allah et tu vas te priver de cette ma'iyya, de l'accompagner d'Allah, du fait qu'Allah soit avec toi. Et il suffit de lire et de méditer sur l'histoire de la communauté musulmane ou même des autres communautés, celles qui sont venues avant nous. Et vous verrez que quand ils ont commencé à s'attacher à cette dunya, à aller et à succomber à leurs désirs et aux désirs de leurs âmes et à commettre les péchés, c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la suprématie sur terre et qu'ils se sont retrouvés à vivre des calamités, voire des massacres et à être sous la domination de peuples parfois encore plus injustes que eux par punition et châtiment d'Allah. المشهد التاسع عباد الله مشهد معاجلة الأجل وذلكم أن أجل الإنسان ومغادرته لهذه الحياة أمر مغيب لا يعلمه الإنسان كما قال تعالى ولكل أجل كتاب وكما قال تعالى وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Mise en situation serviteur et servant d'Allah, c'est de penser au fait que la vie peut arriver à son terme rapidement. Cela car le terme de la vie de la personne et le moment où elle quittera ce bas monde est une chose appartenant au domaine de l'inconnu. La personne n'en sait rien, elle ne sait pas quand elle va mourir et quand est-ce que le terme de sa vie va arriver. Comme a dit Allah Ta'ala dans le sens, chaque échéance a son terme prescrit. Et Allah Jalla wa'ala a dit dans le sens, Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Croyez, croyantes, combien de personnes ont voyagé vers des contrées lointaines, sans avoir d'autres intentions dans leur voyage, que de commettre un péché, que de désobéir à Allah, mais sont mortes, alors qu'elles étaient en route pour ce voyage. Et combien de personnes sont sorties de chez elles, avec pour seul but de désobéir à Allah, mais sont mortes, avant même de commettre ce péché. Ainsi, serviteurs et servants d'Allah, le terme de la vie est une chose appartenant au domaine de l'inconnu. Et il arrive à la personne par surprise et de manière inattendue, sans prémisse et sans demander l'autorisation. Donc si la personne se rappelle, cela la poussera à réformer son âme, comme disait Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, quand tu te retrouves au soir, n'attends pas le matin, et quand tu te retrouves au matin, n'attends pas le soir. On sait tous qu'on va mourir. On le sait tous et on a tous cette certitude, mais on l'oublie très souvent. On l'oublie, c'est pour cela qu'il nous arrive de faire passer ce bas monde avant l'au-delà. C'est pour cela qu'il nous arrive de tomber dans des péchés plus graves que d'autres. Si on pensait vraiment à cela, et qu'on n'oubliait pas qu'on pouvait mourir à tout instant, et que la mort ne fait pas de distinction d'âge. La mort ne prend pas seulement les personnes âgées en laissant les jeunes, non. La mort ne fait pas de distinction de santé non plus. Elle ne prend pas seulement les personnes malades en laissant les personnes en bonne santé, non. Il se peut que le jeune meure avant le plus âgé. Il se peut que la personne en bonne santé, en pleine forme et dans la force de l'âge, meure avant celui qui est gravement malade. Et on peut mourir à tout instant. À tout instant, on peut mourir. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait mourir alors qu'il est en train de commettre un péché? En sachant que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sera ressuscité dans l'état dans lequel on est mort. Est-ce que on aimerait que l'état dans lequel on est mort ce soit un péché? Est-ce que l'un d'entre nous aimerait cela? Je pense que personne ne pourrait dire que cela ne le dérangerait pas. D'être ressuscité alors qu'il est mort, en train de commettre un péché. Alors préservez-vous de cela et préservez-vous de cette mauvaise mort. Préservez-vous de cela en vous écartant des péchés et pensez à cela. Pensez au fait qu'il se peut qu'à ce moment-là vous soyez mort et que vous êtes en train de... Soit vous allez vers ce péché ou soit vous êtes en plein dedans en train de le commettre. Pensez à cela et pensez à la mort. Cela vous aidera beaucoup à vous écarter de ces péchés et de ces erreurs. Comme avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous fréquemment celle qui met un terme aux délices, celle qui met un terme au plaisir, à savoir la mort. Il faut beaucoup se remémorer la mort, notamment en visitant les cimetières. Et quand vous visiterez les cimetières, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens de tout âge qui sont morts et qu'il y a des tombes de toute taille, même des tailles petites pour les petits-enfants. Et cela vous fera prendre conscience du fait que vous pouvez mourir à tout instant. À tout instant. Et cela vous aidera à vous préparer à votre mort pour mourir dans le meilleur état et pour vous préparer pour votre voyage vers la vraie vie, la vie éternelle. Al-mashhad al-ashir ayyuha al-mu'minun mashhad al-bala'i wal-'afiya wal-bala'u haqiqatan fi ad-dunubi wa atharaha wa 'awaqibiha wal-'afiya fi ta'ati Allah jalla wa 'ala. La dixième mise en situation croyant et croyante. Pensez aux calamités et au bien-être. Pensez aux vraies calamités et au vrai bien-être. Et la vraie calamité se trouve dans les péchés, leurs effets et leurs conséquences. Tandis que le bien-être, le vrai bien-être, se trouve dans le fait d'obéir à Allah Jalla wa'ala, pas le fait d'être plongé dans cette dunya. Donc la vraie calamité, c'est de commettre ce qui met en colère Allah et de lui désobéir. C'est d'ailleurs la cause de toutes les calamités, de tous les maux. Quant au bien-être croyant croyante, c'est dans le fait d'obéir à Allah Jalla wa'ala. Ainsi, si le croyant a cela à l'esprit, qu'en s'écartant des péchés, il sait avec certitude qu'il connaîtra le bien-être et qu'il sera préservé des calamités, cela sera alors pour lui d'une immense aide pour délaisser les péchés et s'en écarter. Allah dit dans le Coran que ceux qui font des bonnes actions, alors il les fera vivre une bonne vie. Il leur fera vivre une bonne vie. Et quant à ceux qui s'écartent de son rappel, qui s'écarte de sa religion, alors cela leur fera vivre une vie pleine de gêne. Et cela est clairement stipulé dans le Coran. Il faut, quand on lit le Coran, méditer sur ce que l'on lit pour s'en imprégner et ensuite le mettre en application. « Wa inna lanas'alullah al-karim »« Wa inna lanas'alullah al-karim »« Rabbana an yuwaffiqana jami'an »« Li tawbatin nasuh »« Wa an yahdiyana »« Wa an yahdiyana ilayhi » صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى عباد الله ويتأكد في هذا المقام وفي كل مقام كثرة الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا Serviteurs et servants d'Allah, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Serviteurs et servants d'Allah, il est encore plus demandé dans cette situation, et même dans toute situation, de beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal et de se diriger de la meilleure façon vers Allah Jalla wa Ala, car certes, la guidée croyante croyante est entre les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout comme la réussite est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut être guidé ni suivre la voie droite si ce n'est celui qu'Allah Jalla wa'ala guide et à qui il accorde de suivre la voie de la droiture. Et celui à qui il est donné d'invoquer, il se verra donner la réponse. Comme Allah Ta'ala a dit, « وَقَلَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit, « Et votre Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. » Croyez, croyante, combien est grand le besoin de la personne de beaucoup invoquer Allah et de beaucoup se diriger vers son maître, vers son Seigneur et son souverain pour qu'il le guide, lui réforme son cœur, le raffermisse sur la vérité et le droit chemin et le préserve de suivre la voie menant à la ruine et à la perte et la réussite se trouve entre les mains d'Allah seul. Donc, on a vu 10 mises en situation qui te permettent, bi'idnillah, si tu y penses et si tu les as à l'esprit, au moment où tu as une envie de commettre un péché, 10 mises en situation qui te permettront, bi'idnillah, de t'en écarter et de t'en préserver. Mais avant tout, il faut comprendre que, et garder en tête que tout, que la guidée est entre les mains d'Allah, et que celui qui guide c'est Allah, et que celui qui égare c'est Allah. Et donc, il ne faut pas oublier avant tout de se diriger vers Allah, et d'invoquer Allah, et de beaucoup l'invoquer. On ne peut pas se passer de l'invocation d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit que Allah était en colère contre le serviteur qui ne l'invoquait pas. Allah est en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Car si tu ne l'invoques pas, alors c'est une façon indirecte de dire que tu n'as pas besoin d'Allah, que tu peux te passer d'Allah, alors que tu ne peux pas te passer de lui. Tu ne pourrais pas te passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clignement de l'œil. Le temps d'un clin d'œil, tu ne pourrais pas te passer d'Allah, tu as besoin de lui. Et c'est Allah qui guide, et c'est Allah qui égare. Pense-y aussi, et demande-lui beaucoup de te guider, de te raffermir, et de te faire mourir musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de beaucoup invoquer Allah par la vocation suivante, « Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik »« Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup l'habitude d'invoquer Allah par cette invocation-là, alors que dire de nous? Pouvons-nous nous en passer? Nous sommes plus en droit et plus dans le besoin de cette invocation-là et d'invoquer beaucoup Allah par cette invocation. Comme disent les savants, le fait de beaucoup invoquer pour une chose montre la peur de cette chose, la peur de voir nos cœurs déviés et ne pas être raffermis sur la religion. On doit en avoir peur. Et méditer sur Surat al-Fatiha, une surat qu'Allah nous a imposée au minimum 17 fois par jour. Il nous est obligatoire de la réciter. Et dedans, il se trouve une invocation qui est, comme on dit les savants, la seule invocation qu'Allah nous a ordonnée et nous a imposée. De demander quoi? De demander à Allah la guider et d'être préservé de l'égarement. 17 fois par jour au minimum, Allah nous a imposé de le demander, car on est dans le besoin et dans le grand besoin qu'Allah nous guide et qu'il nous préserve de l'égarement. Et quand tu comprends cette sourate et les secrets qu'elle renferme, alors tu ne peux faire comme certains qui s'enorgueillissent, car ils ont réussi à faire des adorations, car ils ont pu faire telle ou telle chose, car ils sont sur la bonne voie, car ils sont guidés. Et ils s'enorgueillissent par rapport aux autres. Et ils prennent les autres de haut. et ils passent leur temps à critiquer les autres, etc. C'est Allah qui t'a guidé. Et c'est grâce à Allah que tu es guidé. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était pas Allah, nous n'aurions pas été guidés. Et nous n'aurions pas prié, nous n'aurions pas jeûné. Normalement, cela te doit te rendre encore plus modeste quand tu comprends cette sourate et ce qu'elle renferme comme secret, notamment le fait que c'est Allah qui guide et que tu es dans le besoin de lui demander cette guidée et dans le besoin de lui demander de te préserver de l'égarement. Tu ne peux pas t'enorgueillir, tu ne peux être que modeste. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les savants sont ceux qui sont le plus modestes. Ce sont les plus modestes car c'est la science qu'ils ont qui les amène à être modestes. Il n'y a que les ignorants qui s'enorgueillissent et qui prennent les autres de haut et qui pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont appris une ou deux choses ou parce qu'aujourd'hui ils sont bien guidés ou sont sur la bonne voie. Qui te dit que demain tu le seras encore ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit qu'il se peut que la personne accomplisse ses actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Et c'est alors que son livre le précède. Il accomplit alors un acte des gens de l'enfer, si bien que il rentre en enfer. Et inversement, il se peut que la personne accomplisse les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et à ce moment-là, son livre le précède. Il accomplit un acte des gens du paradis et il entre au paradis. Qui te dit que tu ne vas pas finir comme cela ? C'est-à-dire à accomplir les actes des gens du paradis puis finir sur un mauvais acte qui pourra te plonger en enfer. Et que la personne que tu as en face de toi, que tu as pris de haut, sur qui tu as parlé, sur qui tu t'es moqué, qu'à la fin, son livre la précédait, qu'elle accomplit les actes des gens du paradis, qu'elle entre au paradis. Quand sais-tu, qu'est-ce que tu connais de l'avenir ? Tu ne connais rien. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Tu ne sais pas dans quel état tu seras. Normalement, cela donc doit t'amener à être modeste. Et plus tu apprends ta religion, plus tu l'es. Et moins tu prends les autres de haut. Le fait de voir des gens qui sont dans une moins bonne situation que toi, ça ne doit pas te rendre orgueilleux, mais au contraire, tu dois encore plus remercier Allah de t'avoir préservé, de ne pas être dans leur état. Hada, wa sallu wa sallimu ra'akum Allah ala Muhammadin ibn Abdillah, kama amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqal, inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هذه أيدينا إليك مدت ودعوتنا إليك رفعت اللهم فلا تردنا خائبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجيب دعوتنا وحقق رجاءنا يا مولانا يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين